Un homme comme toi viendra pour te demander son chemin. Dis-lui un mot et serre-lui la main, car tu ne le verras plus dès demain. Un étranger, un homme comme toi, un de ceux qui viennent toujours de loin. Demandera que faire de sa vie d'homme. Réponds-lui que pour toi la vie est bonne, car il est en son bas. Un homme comme toi viendra pour toi.